Gros débat, magnifique. Oui, le débat se poursuit hein, dans la suite de la bande. C'est ça. Il est extrêmement intéressant, effectivement. Oui, pour revenir sur cet enseignement, en fait, ce genre d'initiatives qui sont atypiques, peut-être pour nous, en tout cas pour notre génération, mais qui sont assez amusantes sur des bandes comme ça. Ouais. Est-ce que vous pensez que tout ce corpus... Pardon ? Est-ce que vous pensez que tout ce corpus de vidéos a peut-être changé, même aujourd'hui, les méthodes traditionnelles d'archivage à l'école ? Si tu veux, la vérité, c'est que les ventes vidéo, nous, on les mettait dans une boîte en carton, dans une armoire. C'était tout notre archivage, tu vois. Mais vraiment. Alors, vous avez, grâce à vous, il va être pour la première fois, même à qualité, les uns des côtés, ils auront une statue différente. Mais là, nous, c'était vraiment un outil de travail. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, le but principal, c'était vraiment que l'école éclate un tout petit peu vers l'extérieur et que des pratiques différentes fassent réfléchir aux élèves autrement. Donc, vraiment, non, c'était en tout cas notre souci primordial. Et on était conscients de peu de connaissances qu'on avait techniquement et que ces bandes-là, ils avaient un intérêt immédiatement parce que ça donnait lieu à des discussions et d'ouverture d'esprit, mais il n'était pas destiné à être un document à l'école. J'aurais bien aimé pouvoir le faire, mais nous n'avions pas les moyens et vendre vidéos mal faites, etc. À l'époque, ça passait. Mais au bout d'un certain temps, ça ne passait plus parce que voilà. Mais il y en a une qui est justement... je crois que c'est toi qui as la caméra dans un atelier, c'est un peu la même situation. Et les étudiants sont interrogés sur la vidéo, qu'est-ce que c'est pour eux, si ça existe. Ils tombent des nues, enfin, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais c'est intéressant, tu vas sûrement la trouver en travaillant sur le nombre. Et il y en a une ou deux comme ça qui sont édifiantes sur justement l'abîme qu'il y avait entre ce qui se passait à l'intérieur de l'école et à l'extérieur. Et comment les quelques années où la vidéo a joué ce rôle, elle était à la fois justement pas du tout un archivage, mais un vecteur de comment on fait rentrer un peu d'air à l'académie. Si tu veux, nous on avait le projet de faire un état de lieu de l'école, un projet, c'est-à-dire, mais à notre manière, c'est-à-dire sans mélange de l'administration ni rien, un état de lieu, qu'est-ce que c'était l'enseignement ? Qu'est-ce qu'ils disaient les professeurs, qu'est-ce qu'ils disaient les élèves, comment c'est passé, et on a filmé. Naturellement, le peu quand l'administration il a entendu qu'on allait faire ça, immédiatement il a voulu les voir. Alors on les a montrés des morceaux, absolument ça ne marche pas. Mais ils ont retenu l'idée de faire un état de lieu de l'école. Et naturellement, à ce moment-là, c'est devenu l'état de lieu de la propagande, je veux dire, une langue de voix totale. Tu vois, donc ça ne nous intéressait plus. Et ça existe, cette bande, mais que nous, on n'est pas participé parce que ça, c'était pas intéressant. Mais nous, on voulait faire, à l'époque, à des années 70, 72, 74, 18, on voulait faire vraiment un état de lieu. Pour laisser vraiment, pour pouvoir après dire, voilà, c'est ce que... Dans les gens qui les pratiquent et qui les reçoivent, voilà ce que c'est l'enseignement aujourd'hui à l'École des Beaux-Arts, avec les décalages énormes qu'il peut y avoir. Il a eu des morceaux, mais je ne sais pas du tout où sont passés. Ça, peut-être, l'administration les a détruits ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle l'a mis en place, et d'ailleurs, il a un autre film beaucoup plus tard qui a été fait déjà pour des professionnels sur l'école et tout ça. Mais enfin. Il y en a eu plein après. Ouais. Après, il y en a eu plein. Oui, après, il en a eu plein. Mais toutes les rencontres ont ensuite été enregistrées, mais uniquement de façon sonore. Et après, donc, à partir de 82 jusqu'à maintenant, il y a un corpus, une sorte de revue parlée, puisque les rencontres ont... Les invitations ont continué, les rencontres aussi. Mais plus jamais avec des caméras. Mais l'art vidéo, à l'École des Beaux-Arts, ça n'existait pas. Ça a commencé quand? En 92, je te dis. 92. La première, oui, première département. Toutes les années 80, c'est hein? Ignoré. Pardon. Ça veut dire que quand vous faisiez ces parfait, studios, bon boulot, les étudiants n'avaient jamais entendu parler de la musique. Non, non, non. Ils avaient entendu parler parce que nous, on lui repassait toutes les bandes grâce à Martine. Non, non, c'est nous qui avons fait cet enseignement par la bande. C'est-à-dire, on avait un budget. À la bande, dans tous les sens. Oui, on avait un petit budget et on essayait de pouvoir faire venir des bandes, et comme on invitait des gens, des Américains, des Anglais, des Allemands, etc., eux, ils venaient avec des bandes. Donc, comme ça, les élèves, bien sûr, qui s'étaient informés. Ah non, non. Depuis qu'on a monté la salle d'actualité au début, jusqu'à mon départ, et Martine continuait, on a suivi absolument l'évolution de la société, pas à pas. Donc, tout ça était à l'école. Les élèves, ils avaient accès. Mais ce n'était pas parce que les professeurs... Après, oui, bien sûr, les professeurs, ils sont devenus tout à fait... Parce qu'il y a eu un changement radical des professeurs. Hein. Mais il faut tenir compte que pendant beaucoup d'années, l'école, elle était gérée pour des personnes qui avaient une pratique artistique, mais qui n'étaient pas, disons, en prise directe avec ni la société au niveau artistique, ni les marchés, ni les galeries, parce que ça, c'était les diables. Donc, il fallait continuer avec cette idée. Et quand on a créé la vie professionnelle, c'est-à-dire donner aux élèves vraiment des notions de si je voulais être dans les centres de la chose ou dans la périphérie, et comment ça veut fonctionner les centres, qu'est-ce que c'est un musée, un conservateur, faire un dossier pour présenter un projet, comment on fait un projet, comment on est assuré, comment on paye les impôts, tu vois. Tout ça, vraiment, que ça vous semble aujourd'hui évident, et ben, j'ai eu les plus grands problèmes avec tous les enseignants. Parce que ça faisait que la créativité merveilleuse et bohème qui a besoin d'un artiste pour créer disparaissait et ils ne penseront qu'à l'argent. Voilà. Okay. Et ça est arrivé que maintenant les artistes ne pensent qu'à l'argent, mais ce n'est pas ma faute.